Paola! Oh, my God. personne en moi vous accompagne. Désertez la montagne, pénétrez dans Moscou, malgré tous les dangers qui repoussent nos pas de ces murs étrangers. Puis moi, c'était passé. Et toi, pas de nouvelles. Ah, de nos hirondelles, de nos ramiers fidèles, si j'avais eu des ailes, une rapide essor. Fatigué de la certitude, je cède à mon inquiétude, j'appelle autour de moi. Hésitons que la nuit a couvert les montagnes, résolu bien armé, nous quittons la montagne. La mort, le péril, et la soif, et la faim, un instant. Nos genoux ont fléchi, mais soudain, devant nous, nous voyons. Joindre du moins celui qui l'entraînait. Mon cheval m'a laissé ni prend que les gazelles. Par nos hirondelles, de nos ramiers fidèles, les ailes, il le rapide sort, mais hélas, mon détresse, il meurt d'un mien trésor. Oh, nos hirondelles, s'il avait dit, s'il avait Nicole, je te retrouve. Perché non me la pelasse, ecco,